بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشف خير سير. Aujourd'hui, le lundi 11 Ramadan pour nous ici à Médine, de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 4 mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre notre étude de la biographie de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de commencer, aujourd'hui, comme je l'ai précisé, on est le 11 Ramadan. Et au Maroc, le 10 Ramadan. Donc vous constatez que les 10 premiers jours de ce mois béni sont passés déjà. Alors que l'annonce des débuts de ce mois, comme si c'était hier, un tiers de ce mois est passé déjà. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. Et le tiers, c'est beaucoup. En réalité, c'est notre vie qui passe. Et on se rapproche de la mort et de l'akhirah. C'est pour ça, je vous invite, ainsi qu'à ma personne, de doubler les efforts pendant ces jours qui restent et d'exploiter les heures et les minutes et les secondes dans ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme adoration principale pendant ce mois, pendant ces journées, la lecture du Coran avec méditation, et de nuit, la prière de nuit, la prière nocturne, qiyam al-layl, salat al-tarawih, et le khayr, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, al-khayr aada, le bien, ce n'est qu'une habitude. Cela veut dire, si t'habitues ta personne à faire le bien, ça va rentrer dans tes mœurs et dans tes habitudes et dans tes coutumes. Et ça te sera facilité. Mais pour arriver à ce stade, il y a une étape d'épreuve dans laquelle tu dois montrer ta véracité, ta sincérité et ton attachement à ce bien, pour que par la suite Allah Azza wa Jal te le facilite. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les adorations pendant ce mois en particulier et pendant toute nos vies, notre vie, et que notre vie soit remplie en œuvres pieuses qu'Allah aime et agrée, comme nous lui demandons d'accepter de nous le peu d'œuvres que nous faisons et de nous aider à être sincères dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Donc, dans le cours précédent, nous avons parlé de les trois rencontres qui ont eu lieu entre le prophète alayhi salatu wassalam et ces Médinois. Nous avons parlé de ces trois rencontres qui ont eu lieu entre le prophète alayhi salatu wassalam et ces Médinois. Dans la première, ils étaient 6 hommes de la tribu de l'Khazraj. Et dans la deuxième, Ils étaient 12 hommes, 10 de l'Khazraj et 2 de l'Aous, l'autre grand tribu de Médine. Et dans la troisième année, et toujours ces rencontres ont eu lieu pendant la période du pèlerinage, et dans la troisième année où a eu lieu le grand pacte de l'Aqaba, Bay'atul Aqabati Thaniya, le deuxième pacte qui a eu lieu cette année, dans lequel ils étaient beaucoup plus nombreux, un groupe de 73 hommes et 2 femmes à leur tête, Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu wa ardah, et dans les 3 rencontres, a participé As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu, ce grand homme parmi l'Ansar, radiyallahu anhu, ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jami'a, qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète alayhi salatu wa sallam. Donc ce deuxième pacte d'allégeance était une préparation à l'émigration du prophète alayhi salatu wa sallam vers le Madina. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suite à toutes les persécutions et les oppressions qu'il subissait à Mecca, lui ainsi que ses compagnons, et comme on en a vu quelques-unes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam souhaitait émigrer et quitter Mecca vers un endroit dans lequel il sera en sécurité et dans lequel il sera protégé et dans lequel il pourra propager la religion d'Allah Azza wa Jal, son objectif principal et sa mission capitale, alayhi salatu wa salam. Si le son est clair, barakallahu fikum, de me le préciser dans la discussion de cette radio. Donc je disais que le Nabi alayhi salatu wassalam, suite à toutes ces oppressions, toutes ces formes de châtiments qu'il subissait lui ainsi que ses nobles compagnons radiallahu anhum, il voulait quitter Mecca. Et c'est pour ça qu'il rencontrait les tribus arabes et il leur demandait le soutien. Et ceux qui ont répondu favorablement à sa demande au niveau des groupes, au niveau des individus, il y avait des hommes qui ont accepté sa da'wa un peu de partout. Mais au niveau d'une tribu, d'une ville, au niveau d'un groupe, c'était les Médinois, radiyallahu anhum, l'Ansar, ceux qui ont soutenu le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa da'wa, et qui l'ont accueilli, et qui l'ont protégé avec tout ce qu'ils peuvent. Et parmi les paroles qui indiquent que parmi les causes pour lesquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons souhaitaient quitter Mecca, c'est la parole de Bilal radiyallahu anhu, dans laquelle il a dit: Allahumma al'an Shaybata wa Utbah ibn Rabi'a wa Umayyah ibn Khalaf kama akhrajuna ila ard al-waba, rawahu al-Bukhari. Donc comme dans cette parole de Bilal, radiyallahu anhu, il a dit: oh Allah, maudit Shayba et Utba, les deux fils de Rabi'a, ainsi que Umayyah ibn Khalaf, comme ils nous ont fait sortir de Mecca vers la terre de l'épidémie. Et la terre de l'épidémie à l'époque, c'était le Médina. C'est pour ça qu'elle s'appelait Yathrib. C'était une terre dans laquelle étaient propagées les maladies jusqu'à l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, où il a invoqué Allah de faire sortir les maladies et les épidémies de Médina vers le Juhfa, une terre dans laquelle il y avait les mécréants. Et le Juhfa se trouve entre Mecca et le Médina. Entre Mecca et le Médina, à peu près à 240 km de le Médina, en allant vers la direction de Mecca. Et de ça, les savants ont pris une faïda qu'il est légiféré de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver les croyants de ces épidémies et de les envoyer sur ses ennemis, en particulier ceux qui combattent sa religion et qui combattent ses alliés. Ça, c'est le Nabi alayhi salatu wassalam. Contrairement à ce que vous pouvez entendre de certains qui prétendent la tolérance et la paix et des choses comme ça, et ils agissent contrairement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ils croient bien faire. Également parmi les causes pour cette hijra, donc comme j'ai dit, toutes les oppressions et les formes de châtiment que subissaient les croyants à Mecca, et également le fait de trouver une terre qui représentera un abri pour les croyants et pour l'islam. Et bien évidemment, l'islam a besoin de paix et de sécurité pour prospérer. La religion de l'islam, parmi les ingrédients les plus importants pour que ça se propage, c'est la sécurité. Dans l'insécurité, c'est très difficile. Et c'est pour ça, c'était un objectif pour le prophète alayhi salatu wassalam d'aller dans une terre dans laquelle il sera en sécurité, lui ainsi que ses compagnons, où ils pourront propager la science de l'islam. Et c'est comme ça que se propage l'islam. Et non pas en faisant sortir des hommes ignorants vers des pays, tout en délaissant leur famille. Ils les délaissent dans le manque de moyens matériels, ou là plutôt ils les délaissent dans le manque d'encadrement religieux et scientifique, car en général ce sont eux-mêmes des ignorants, et l'ignorant ne peut jamais être enseignant. Et des fois ils les abandonnent même sans moyens matériels pour survivre, tout en pensant bien faire. Et ça, c'est comme cette secte de Tablir. La secte de Tablir, qui est une secte égarée, rien que dans ce qu'on voit. Mais quand tu rentres dans leurs livres, qui sont écrits uniquement dans leur langue, al-Urdu, la langue qui est parlé au Pakistan et en Inde, et le fondateur de ce groupe qui s'appelle Mohamed Ilyas, c'est un Indien qui a propagé sa da'wa au Pakistan, après soi-disant un rêve quand il était à Médine, où il a vu, entre parenthèses, le Nabi alayhi salatu wassalam, et on a la certitude que ce qu'il a vu, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. S'il est véridique et qu'il a vu quelque chose, ou bien c'est un mensonge, il a rien vu, il a inventé des choses. En tout cas, il a vu le Nabi alayhi salatu wassalam, soi-disant, dans un rêve, et il lui a interprété un verset, contrairement à comment il l'a interprété dans son vivant, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et ça, c'est parmi les signes avec lesquels tu sais que ce que tu as vu, c'est pas le Nabi alayhi salatu wassalam. Car le Nabi alayhi salatu wassalam, il peut pas t'ordonner l'inverse après sa mort, l'inverse de ce qu'il ordonnait pendant son vivant. Et si tu as vu le Nabi alayhi salatu wassalam dans un rêve, faut que tu sois capable de le décrire. Faut que tu sois capable de décrire son visage, son corps, comment il était. Donc si tu le vois dans un rêve, dans un état contraire à comment il était dans, pendant son vivant, c'est que c'était pas lui. Car Shaitan ne peut pas yani, venir dans un rêve avec l'apparence de Nabi alayhi salatu wassalam. Mais il peut venir en te dire qu'il est le prophète alayhi salatu wassalam, mais tu vois pas son visage, ou tu vois quelque chose différente à la réalité du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'était courant chez le salaf. Quand quelqu'un il venait, il disait, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, décris-le. S'il le décrit comme il était, il lui dit, tu l'as vu. Sinon, il lui dit, tu ne l'as pas vu. Et parmi les signes également, c'est ce que j'ai cité, il t'ordonne une chose contraire à ses enseignements pendant son vivant. Donc, je disais que la sécurité est un facteur important pour la prospérité et la propagation de la da'wah. C'est pour ça que les ennemis de l'islam visent à déstabiliser les pays de l'islam. Malheureusement, il y a des ignorants et des innovateurs parmi le Khawarij et autres, et l'Ikhwan, al-Muflisin, qui les suivent et qui permettent la réalisation de leurs projets, qui visent principalement à déstabiliser les pays de l'islam et à retirer cette sécurité. Car ils savent, car ces gens-là, ces ennemis de l'islam, ils ont des centres dans lesquels ils étudient l'islam et ils peuvent connaître beaucoup de détails de l'islam mieux que la plupart des musulmines. Et ils savent que la sécurité, c'est un facteur important. C'est pour ça que l'islam, il a donné beaucoup d'importance à la sécurité, l'amn. Il a ordonné l'obéissance parmi les moyens qui ont été mis en place. C'est l'obéissance au gouverneur muslim. Et l'interdiction de la rébellion et de son renversement. Quelle que soit son injustice et son oppression, et de patienter face à cela, du moment qu'il est toujours dans le cercle de l'islam. Et qui décide ça, est-ce qu'il est toujours dans l'islam ou pas, c'est les hommes de science et pas les hommes de l'ignorance. C'est les hommes de science vers lesquels on revient pour savoir ces choses-là. Et non pas vers les ignorants ou vers toute personne qui a une barbe, un kamis, mi-jambe. Ça, c'est pas des signes avec lesquels on reconnaît les hommes de science. Pas avec leurs habits, ni avec la beauté de leurs paroles. On connaît les hommes de science par le biais des hommes de science. Comme vous savez, l'ignorant, il n'est pas capable de déterminer son propre statut et son propre degré. Alors comment il va déterminer le degré et les statuts des hommes de science? Et ça, malheureusement, c'est une erreur qu'on entend des fois. Des frères qui disent, un tel, mashallah, il est comme ça, il est salafi, il est... Et comment tu l'as su? Si t'as pas un niveau dans l'ilm, tu peux pas savoir ça par toi-même. Faut savoir une règle très importante, que l'égarement, il est de plusieurs degrés. Et plus une personne se rapproche de la sunna, plus son égarement sera subtil et minutieux, et il ne sera détecté que par les hommes de science. On ne parle pas ici de l'égarement d'un soufi qui adore les tombes ou d'un rafidi qui insulte les compagnons. On parle de l'égarement qui peut se trouver chez des gens qui se disent sunnites et qui se disent salafis et qui prétendent suivre la sunna. Quand ils ont un égarement, cet égarement en général, il va être très subtil, car ils utilisent les mêmes moyens d'argumentation, et il va te ramener des hadiths authentiques et des versets du Coran, mais après leur compréhension, ça sera pas la compréhension des salafs. Et ça, pour le détecter, il faut un certain niveau dans la science. C'est pour ça, réalise mon frère et ma sœur, que la chose la plus chère que t'as, c'est ta religion. Ne l'expose pas au danger. Et regarde de qui tu prends ta science. Parmi les erreurs, on entend certains frères dire, un tel, j'ai écouté un de ses cours, et j'ai trouvé que, mashallah, il parle de la sunna, il défend la sunna, mashallah, mashallah. Et ça aussi, c'est faux. Salaf, on dit une parole, dont je me rappelle pas maintenant du rapporteur de cette parole parmi salaf, mais c'est un grand imam parmi salaf. إما أيوب السختياني أو أبو قلابة رحمهم الله. En tout cas, ce salaf, il a dit, si les gens de l'innovation et de l'hérésie vous parlaient avec leurs innovations dès le début de leurs assises, vous les aurez fuyés. Mais ils vous parlent avec le Coran et la Sunna, jusqu'à gagner votre confiance. Et ensuite, ils propagent leur venin. C'est pour ça que vous constatez que nos savants, dès qu'une personne commence à dévier, ils nous mettent en garde contre l'écouter. Car en général, la personne, quand elle commence à dévier, c'est là où elle va commencer à instaurer des nouvelles règles dans ses suiveurs et qui vont lui assurer une protection après son égarement. Elle va essayer d'instaurer en eux des règles afin de se protéger des critiques des hommes de science quand cette personne sera critiquée. Et regardez combien de personnes ont été critiquées et que au début de leur critique, les gens s'opposent aux critiques des savants. Non, mais pourquoi la division? Est-ce que les savants aiment la division? Les savants sont plus attachés à toi, à l'union des musulmines. Est-ce que les savants critiquent comme ça gratuitement? Ou avec des arguments et des dalils? Est-ce que les savants critiquent pour la simple critique? Ou pour préserver ta religion? Et la mienne. C'est pour ça, le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il suit les grands savants, tant qu'il suit Al-Haqq. Chacun selon son niveau. Celui qui a un niveau et qui est capable de regarder les arguments, il suit les arguments. Et celui qui n'a pas ce niveau dans l'ilm, il suit les grands savants. Wal barakatu ma'a akabirikum, comme on dit les salafs. Et la baraka, c'est avec les grands parmi vous, les grands parmi les hommes de science. Donc je disais que il y a plusieurs causes qui ont poussé le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons radiallahu anhum a émigré, a quitté Mecca. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam attendait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour où il a vu dans un rêve, ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, du hadith de notre mère Aïcha radiallahu anha, donc jusqu'à ce jour où le Nabi alayhi salatu wassalam a vu dans un rêve la terre vers laquelle se fera l'émigration et que c'est une terre entre deux montagnes dans laquelle il y a des palmiers. Et ça, c'est la description de Médina. Elle se trouve entre deux montagnes et c'est une terre dans laquelle il y a beaucoup de palmiers et beaucoup de dattiers. Et quand il a informé les compagnons radiallahu anhum, la plupart d'entre eux se sont préparés et sont sortis vers Al-Madina. Et ne restaient à Mecca que ceux qui étaient capturés par le kuffar et qui étaient empêchés de faire le hijra. Et également ceux qui étaient en Éthiopie les ont rejoints à Médine. Par contre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam attendait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa propre émigration. Attendait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa propre émigration. Et comme ceci est rapporté dans un hadith authentique, il a demandé alayhi salatu wa sallam, il a demandé à Jibril alayhi salam qui l'accompagnera dans son émigration. Il lui a dit Abu Bakr Siddiq. C'est lui qui l'accompagnera dans cette émigration. Et Abu Bakr, au début, il voulait faire le hijra, mais le Nabi alayhi salam lui a demandé de patienter. Et il l'a fait patienter jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission d'émigrer. La nuit dans laquelle Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa hijra, dans cette nuit, Kuffar Quraysh avait comploté d'assassiner le prophète alayhi sallatu wa sallam. Ils se sont réunis dans une maison dans laquelle ils faisaient leur réunion importante qui s'appelle Darun Nadwa. Ils se sont réunis dans cette maison et c'était une réunion secrète de laquelle ils n'ont informé personne. Que ceux qui sont connus pour leur haine pour le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont précisé qu'il ne doit se joindre à eux aucun parmi les gens de Tihama, yani les Mekwa, sauf ceux qui sont connus pour leur haine et animosité pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'ils savaient que Quraysh, de manière générale, ils avaient de la compassion pour le prophète alayhi salatu wassalam et que eux, ils voulaient arriver à quelque chose de déterminant et radical comme solution avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc, il n'y avait pas lieu à avoir de la pitié ou de la rahma. Ils voulaient des choses radicales. Et dans cette réunion, s'est joint à eux, comme ceci est rapporté par les savants de la biographie, s'est joint à eux un vieillard qu'ils ne connaissaient pas. Il a prétendu qu'il était de la région de Najd. Et cet homme, il est rapporté que c'est Iblis en personne qui est venu assister avec eux. Et ils ont commencé à émettre des opinions sur comment se débarrasser du prophète alayhi salatu wassalam pour de bon. Ils ont donné quelques solutions. À chaque fois, ce vieillard leur disait non, c'est pas le meilleur des avis. Jusqu'à ce que l'ennemi d'Allah, Abu Jahl, a parlé et a donné son avis. Il a dit, je vois que ma vie, yani, que qu'on choisisse un jeune d'une origine noble parmi les différentes tribus arabes, qu'on choisisse un jeune avec une origine très noble de chaque tribu arabe et qui se réunissent tous et qu'ils tuent le prophète alayhi salatu wasalam tous en une fois. Comme ça, le sang du prophète alayhi salatu wasalam sera réparti dans les tribus arabes et les siens qui sont la famille du prophète alayhi salatu wasalam qui sont les Banu Abd Manaf, ils ne pourront pas le venger. Ils seront contraints de se contenter de dia. Ils seront contraints de se contenter du prix du sang. Et n'ont pas cherché à tuer ceux qui l'ont tué. Parce que s'ils veulent tuer ceux qui l'ont tué, ils vont devoir combattre toutes les tribus arabes. Et comme celui qui a été choisi, il est d'une noble origine, toute sa tribu le défendra, comme c'était la coutume des Arabes. Car quand tu touches quelqu'un très noble, ni de la meilleure de l'origine de cette tribu, c'est comme si tu as touché toute la tribu. Et ça, c'était une idée que ce vieillard, entre parenthèses, Iblis, a approuvé. Il a dit, ça, c'est la vie. C'est-à-dire, ça, c'est le meilleur avis. Et effectivement, ils ont désigné 11 jeunes avec les critères que Abu Jahl a cités. Ils se sont rassemblés devant la maison du prophète alayhi salatu wasalam dans cette nuit dans laquelle il va y avoir le hijra. Et il attendait sa sortie, comme d'habitude, il sortait pour le fajr, pour aller prier alayhi salatu wasalam. Il l'attendait devant sa maison, de manière à ce que, dès qu'il sorte, il se mette sur lui, il le tue, tous, yani, en une fois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit, bien évidemment Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de leur conspiration. Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de leur conspiration. Et il savait ce qu'il préparait. Et cette nuit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné déjà à Ali radiallahu anhu de ne pas faire le hijra et de patienter et de ne la faire qu'après son hijra à lui. Et il lui a demandé de dormir dans son lit, de dormir dans le lit du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Kuffar Quraysh, quand il regardait de loin, ils voyaient que le Nabi alayhi salatu wasalam était encore sur son lit. C'est pour ça qu'ils attendaient. Et quelqu'un peut dire, pourquoi ils ne sont pas rentrés directement dans la maison, ils ne l'ont pas tué? Pourquoi ils ne sont pas rentrés directement dans la maison pour le tuer? Pourquoi attendre dehors? C'est rapporté que il voulait le faire dans un premier temps, mais ils ont entendu la voix d'une femme. Ils ont entendu la voix d'une femme et c'est là où ils ont décidé d'attendre dehors et de ne pas rentrer dans la maison. Ils ont dit, si jamais on rentre alors qu'il y a une femme dans la maison, ça sera une insulte pour nous chez tous les Arabes jusqu'à la fin des temps. Entre parenthèses, ses qualités humaines et ses bons comportements et ses principes que l'islam a approuvés, qui étaient chez les Arabes, on va en voir beaucoup dans cette sira. On va en voir beaucoup dans cette sira. Et malheureusement, nous allons constater avec une grande tristesse que beaucoup de ses valeurs et de ses principes, on les trouve plus aujourd'hui chez beaucoup parmi les musulmans, alors que ces hommes, ils les avaient. Donc regardez ces hommes qui veulent faire ce mal, tuer le prophète alayhi salatu wassalam, ils entendent la voix d'une femme, ils rentrent pas dans la maison. Sinon, ça sera une insulte pour eux. Peut-être que j'ai mentionné Abu Sufyan, il n'a pas voulu mentir quand il était interrogé par Héraql, Caïsar, le César des Romains, au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, malgré la grande haine, la grande haine qu'il avait pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était son plus grand ennemi sur terre. Et malgré ça, il n'a pas voulu mentir. Il a dit de crainte que les gens retiennent sur moi que j'ai menti. Ça, c'est un mushrik, un associateur, un mécréant. Il ne ment pas. Parce que pour eux, l'homme ne ment pas. Son épouse également, ça me vient, son épouse Hind, radiallahu anha, qui va entrer dans l'islam par la suite, quand elle est entrée dans l'islam et qu'elle a fait le pacte d'allégeance des femmes avec le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les points de ne pas forniquer, elle a dit au messager d'Allah, est-ce que la femme libre fornique? Awatazni al-hurra. Ça, c'est une femme qui était encore dans le kufr et dans la mécréance, mais c'est une fable, une femme noble. Une femme noble ne fornique pas dans le jahiliya. C'est les femmes qui n'ont pas de valeur qui forniquaient et qui vendaient leur honneur. Mais la femme noble dans ses origines, la femme libre, ne tombe pas dans cela. Si un homme la souhaite et qu'elle le souhaite également, c'est avec un mariage, un contrat de mariage et avec une dot. Et ça, c'était avant l'islam. Malgré que la fornication et l'adultère aient existé, mais c'était pas chez les femmes comme Hind radiallahu anha. Dans sa jahiliya. Allah Azza wa Jal a décrit dans Sourate Al-Anfal cette conspiration de Quraysh à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Rappelle-toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les mécréants conspiraient contre toi pour te capturer, t'assassiner ou t'exiler. Ils conspiraient, mais Allah a déjoué leur conspiration, car Allah surpasse tous les conspirateurs dans le sens approximatif. Donc ils attendaient devant la maison du prophète alayhi salatu wassalam, et une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a préparé Ali dans son lit, il lui a demandé de rendre les dépôts en garantie qu'il avait de Quraysh chez lui, car même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui sur sa religion, il savait que c'était l'homme digne de confiance parmi eux. Et il lui laissait leur garantie, ni des dépôts, il lui laissait des dépôts en garantie, car il savait sa confiance et sa loyauté, alayhi salatu wassalam. Et dans ces moments difficiles, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est menacé par la mort, dans ces moments difficiles où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se prépare pour un grand événement qui est l'émigration, il pense à rendre ses dépôts en garantie. Et il a chargé Ali radiallahu anhu de cette mission après lui. Et ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la porte et il est sorti Et ils étaient devant la porte. Yani, ils se cachaient pas loin de sa porte, alayhi salatu wassalam, et il est sorti devant eux, et il a pris de la terre qu'il a jetée sur eux, et c'est arrivé dans leurs yeux. Et ainsi, ils étaient aveuglés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont pas vu sortir. Ils sont restés jusqu'au moment où ils ont pensé que c'était trop tard, et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam sortait bien avant. Ils ont commencé à se poser des questions, et c'est là où ils sont rentrés dans la maison, et ils ont trouvé Ali radiallahu anhu. Et ainsi, Allah azzawajal a rendu caduque leur conspiration et leur complot, et a sauvé son prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, Nabi alayhi salam, quand il est sorti, il est entré dans la maison de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et de sa maison, ils sont sortis tous les deux. Et Abu Bakr, comme on va voir, il avait tout préparé déjà. Les montures, les provisions, l'argent, tout ce qu'il fallait pour ce grand voyage. Surtout qu'ils n'allaient pas faire le voyage d'une manière traditionnelle, de la manière ordinaire qui était connue à l'époque. Ils vont le faire d'une manière à égarer Quraysh, car ils savaient qu'ils n'allaient pas les laisser faire ce voyage. Donc il fallait des provisions, il fallait des montures, et il est rapporté que Abu Bakr radiallahu anhu a préparé deux montures pendant 4 mois. Il les nourrissait avec des plantes contenant des épines, des choses dures, pour les habituer à la dureté de ce voyage. 4 mois, il prépare ces deux montures, une pour lui et une pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam est sorti de la maison de Abu Bakr en sa compagnie. Ils sont sortis par une petite porte, yani que Ibn Kathir a appelé Khawkha. Al-Khawkha, c'est une petite porte dans une grande porte. Dans des pays d'islam, vous voyez ça, vous voyez qu'ils mettent une grande porte, et en plein milieu de cette grande porte, ils mettent une petite porte. La grande porte, ils l'ouvrent quand il faut rentrer des meubles ou des choses comme ça, ou là, plusieurs personnes. Et la petite porte, c'est pour les individus, pour une personne. Donc, ils sont sortis de cette Khawkha, dans la maison de Abu Bakr radiallahu anhu, et ils ont pris un homme qui s'appelle Abdullah ibn Urqud. Pas mal de livres le citent avec le nom de Abdullah ibn Urayqit, et ça c'est une falsification. Ce qui est juste, c'est qu'il s'appelle Abdullah ibn Urqud. Donc Abdullah ibn Urqud, c'est un mécréant. Et c'était un guide très expérimenté, en particulier pour les routes menant à Al-Madina. Donc c'était un guide très très expérimenté, mais qui était encore sur la mécréance. Donc ils ont demandé ses services contre un montant. Ce montant, il y a eu une divergence contre les savants. Combien ils lui ont donné contre ce service? Un chameau, et dans la version de laquelle est cité le maximum, c'est 5 chameaux. Donc au maximum, ils lui ont donné 5 chameaux pour cette mission et pour leur indiquer les routes et les orienter et les guider dans les routes vers Al-Madina. On sait que Kuffar Quraysh, quand ils ont su que le Nabi a.s. a immigré, ils ont proposé 100 chameaux pour celui qui le ramène, mort ou vivant. Et également, ils ont proposé 100 chameaux pour celui qui ramène Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu mort au vivant. Donc c'est 200 chameaux. Et cet homme qui est mécréant, il va les guider dans ce voyage, il va se contenter d'un seul chameau, sur lequel ils se sont mis d'accord. Ou 5 chameaux maximum. Et il va respecter son engagement, et il ne va pas trahir en voulant prendre les 200 chameaux qu'ont proposé les Mécois. Et ça aussi, c'est parmi les principes qu'avaient ces hommes, même dans le Jahiliya. Si Allah a choisi les Arabes pour porter le dernier de ses messages, c'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Ils avaient des choses qui sont nécessaires dans cette mission. Et Allah Azzawajal leur a permis de réformer le mal qu'ils avaient, surtout au niveau de leur croyance et de leur aqidah, qui a été égarée par cet homme, Abdullah Amr ibn Luhay al-Khuza'i, en les appelant à l'adoration des idoles. Et ils se sont donné rendez-vous avec Abdullah ibn Urqud. Il s'appelle Abdullah ibn Urqud al-Dayli. Ils se sont donné rendez-vous avec cet homme devant la grotte de Thawr. Après 3 jours de leur sortie. C'est-à-dire qu'ils sont sortis et ils vont passer 3 jours dans Ghar Thawr, dans lequel s'est caché le prophète alayhi salatu wasalam et Abu Bakr, jusqu'à ce que les poursuites des Quraishi se calment et jusqu'à ce qu'ils commencent à désespérer de le trouver, parce qu'il est sorti dans un voyage, donc ils vont le chercher intensément, d'une manière intense, pendant les premiers jours. Après, l'intensité va baisser. Donc, le plan qui a été suivi par le Nabi alayhi salatu wasalam dans cette immigration, et ça me donne l'occasion de vous citer les différentes étapes de ce plan du prophète alayhi salatu wasalam dans son immigration. Donc, le premier point, c'est ce que je viens de citer. C'est qu'ils sont sortis de nuit et qu'ils se sont cachés dans la grotte de Thawr, à Mecca. Et ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le deuxième plan, c'est que ceux qui voyageaient vers Mecca, en général, qui voyageaient vers le Medina, de Mecca vers le Medina, normalement, ils vont aller vers le nord de Mecca. C'est de ce côté-là que tu vas à Médine. Car Mecca, Al-Madina, se trouve dans le nord de Mecca. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis du côté sud-ouest de Mecca. Et ça, c'est pour, dévier Kuffar Quraysh. Le troisième point, c'est qu'ils ont passé 3 jours dans cette grotte, jusqu'à ce que l'intensité des recherches de Quraysh diminue. Le quatrième point, c'est qu'ils ont pris un guide très expérimenté, qui connaît très très bien les différentes routes du désert, et en particulier celles qui mènent vers Al-Madina. Et ils lui ont laissé les 2 chameaux qu'ils continuaient à nourrir jusqu'au jour où il est venu, ils se sont donné ce rendez-vous devant la grotte au bout de 3 jours. Donc c'était facile pour lui de trahir cet engagement. Il va voir Kuffar Quraysh, il leur dit voilà, il se cache dans cet endroit. Et il a 200 chameaux. Mais lui, sans faire de travail, lui, il va faire tout un travail. Et c'est un mushrik, c'est un kafir. Il va faire tout un travail, un voyage qui dure en temps normal, 10 jours à peu près. Et là, avec les poursuites, avec les arrêts, tout ça, ça va durer plus. Et donc, Il a respecté son engagement, il a tenu sa parole contre un chameau ou cinq maximum et n'a pas trahi. Parmi les stratégies du prophète alayhi salatu wasalam dans cette immigration également, c'est qu'ils ont chargé Asma, fille de Abu Bakr as-Siddiq, de le ramener à manger tous les jours. De le ramener à manger tous les jours. C'est pour ça qu'on l'a appelé Zatun Nitaqayn ou Zatun Nitaq. Nitaq, c'est comme une ceinture que mettaient les femmes et qu'elles continuent à mettre encore aujourd'hui dans les pays de l'islam, surtout nos mères, comme elles font du travail dur à la maison. Qu'Allah leur fasse miséricorde et leur pardonne et leur attribue le paradis, le degré le plus élevé du paradis. Comme elles faisaient des travaux durs, elles avaient besoin d'une ceinture au niveau du ventre pour serrer le ventre. Et cette ceinture, c'est ce qu'on appelle le nitaq. Donc Asma radiallahu anha, elle faisait ça avec une sorte de morceau de tissu. Et quand elle a emmené pour le Nabi sallam et son père Abu Bakr leur repas, elle a pris une partie de ce tissu avec lequel elle a fermé ni la chose dans laquelle elle a placé la nourriture. Et c'est de là qu'on l'a appelé Dhatul Nitaq, Asma radiallahu anha. Également, le fils de Abu Bakr qui s'appelle Abdullah, il a été chargé également ils l'ont chargé de prendre les informations de Quraysh et d'écouter ce qu'ils disent et de leur rapporter ça de nuit. Il était chargé de ça. Également, Abu Bakr radiallahu anhu, donc il les informait de tous les complots et tous les stratagèmes de Kuffar Quraysh. Et également, qui commençait à désespérer de trouver le prophète alayhi salatu wasalam et Abu Bakr radiallahu anhu. Également, parmi les stratégies, c'est que Abu Bakr a ordonné à son serviteur, Amir ibn Fuhayra, il lui a ordonné de faire paître son troupeau de moutons pas loin de la grotte. Pas loin de la grotte. D'une, pour effacer les traces de marche, parce que les Arabes, quand ils cherchent les gens, ils regardent les traces de pieds ou de chameaux. Donc d'une, pour effacer les traces de marche, et également pour leur ramener ces moutons, ils prennent de leur lait, et quand ils avaient besoin d'égorger, de manger un mouton, ils le faisaient. Voilà les points les plus importants dans cette stratégie qui a été déterminée par le Nabi alayhi salatu wassalam dans son émigration. Et donc l'année 13 de la prophétie, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam d'émigrer et lui a montré le lieu de son émigration qui était le Madina, qui était choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salatu wassalam ainsi, il a passé 13 ans à Mecca, depuis qu'il est devenu prophète. 13 ans de prophétie à Mecca. Et dans la période médinoise, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va passer 10 ans, car il a fait son immigration à l'âge de 53 ans, et avec les 10 ans de Medina, il est décédé, alayhi sallatu wassalam, à l'âge de 63 ans. À l'âge de 63 ans, il a été enterré à la Médina. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rapporté de lui quand il est sorti de la Médina, il a commencé à prendre sa route vers Mecca. Quand il est sorti de Mecca, il a commencé sa route vers la Médina. Il s'est retourné vers Mecca. Il a dit: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. Il a dit par Allah, en regardant Mecca, t'es la terre la plus aimée, la meilleure terre d'Allah, et la terre la plus aimée à Allah. Et si seulement ton peuple m'en sortit, je ne serai jamais sorti. Si jamais ton peuple ne m'en pas sorti, je ne serai jamais sorti. Et ceci est rapporté dans Jami' Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et Kuffar Quraysh, ils ont quand même cherché dans les alentours de cette grotte dans laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont cherché et jusqu'au point où ils se sont approchés de cette grotte, au point où si l'un d'entre eux avait regardé son pied, il aurait vu le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Ils étaient très proches d'eux. Mais Allah Azza wa Jal les a empêchés de les voir. Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés. Il est rapporté, comme il dit Ibn Kathir, wallahu a'lam, que Allah a ordonné à une araignée de tisser sa toile devant la porte de la grotte. Et quand ils ont vu cette toile, ils ont dit, c'est pas possible que quelqu'un est entré ici. Regardez, il y a cette toile. Et que deux pigeons ont fait leur nid devant la porte de cette grotte. Par rapport à la toile d'araignée, ce qui est rapporté ici, il y a des savants qui jugent ce hadith bon. Mais la plupart des savants jugent toute cette histoire faible. Et que Allah Azza wa Jal les a aveuglés sans cause visible, telle que le nid de pigeon ou une toile d'araignée. Wallahu a'lam. De toute manière, ils ont regardé, ils ont cherché et ils ne les ont pas vus. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport à cela dans le Coran, il a dit illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Dans Sourate At-Tawba, dans le sens approximatif, et si vous ne venez pas à son secours, c'est-à-dire au secours du prophète alayhi salatu wassalam, Allah est déjà venu à son secours lorsque les mécréants l'avaient expulsé et qu'il était le deuxième des deux. Yani les deux hommes qui ont été expulsés, Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam. Il était le deuxième des deux, lui et Abu Bakr. Il était alors dans la grotte de Thawr qu'on a vue, et lui disait à son compagnon, le prophète alayhi salam, il disait à Abu Bakr radiallahu anhu, ne t'afflige point, car Allah est avec nous. Allah fait alors descendre sur lui sa quiétude, sa sakina, et l'appuyer d'armée que vous ne pouviez voir, et à jeter bas la parole des mécréants et à élever la parole d'Allah, car Allah est tout puissant et sage. Car Allah est tout puissant et sage. Donc vous voyez bien ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait descendre sur lui sa quiétude, il a appuyé d'armée que vous ne pouviez voir. Donc ça peut être une armée qu'on ne peut pas voir et une autre armée qu'on peut voir, telle que cette toile d'araignée. Il n'y a pas d'opposition entre ce qui a été rapporté et le verset, si ce n'est que la faiblesse de la chaîne de transmission de cette histoire. Mais Ibn Kathir, rahimallah, l'a cité quand même, il a dit « Wallahu a'lam ». Car comme vous savez, mes frères et sœurs, la règle dans la biographie, tant qu'il n'y a pas de ahkam, c'est pas la même rigueur que dans les hadiths dans lesquels il y a des ahkams. dans les ahkam, on exige l'acceptation du hadith, son acceptation et non pas son authenticité, car l'authenticité c'est le degré le plus élevé de l'acceptation. Le hadith al-maqboul, c'est le hadith al-sahih, wal-sahih li-ghayrihi, wal-hasan li-dhatihi, wal-hasan li-ghayrihi. Il y a quatre degrés dans les hadiths qui sont acceptés dans les jugements. Ce qu'on appelle hadith al-maqboula, les hadiths acceptés. Et ça englobe ce qui est authentique pour lui-même, yani sa chaîne de transmission à lui est authentique. D'autres qui arrivent à ce degré de l'authenticité, mais avec d'autres hadiths qui les renforcent et qui leur permettent d'arriver à l'authentique, ce qu'on appelle l'authentique pour autres, les ghayrihi. Également dans le hasan, les chaînes de transmission bonnes, il y a aussi ce qui est bon pour lui-même et pour d'autres hadiths, tels que le faible, qui n'est pas très faible, quand il se renforce avec d'autres versions, également faibles, mais qui ne sont pas très faibles, il devient hasanun li ghayrihi. Donc on va s'arrêter aujourd'hui ici avec ce qu'on a vu de ce début de Hijra. Inch'Allah, le cours prochain, nous allons terminer bi'idhnillah al-Hijra. Comme ça, on va pouvoir s'arrêter sur des points dans lesquels il y a des fawa'id que je demande à Allah Azza wa Jal, desquels je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous et que ça nous soit bénéfique. Et nous lui demandons de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.